J'ai mal les camembailles, j'espère bien qu'il va friquer mon bis. La première qui niquera mon bail, non c'est pas mon port, je crois trop par mon bis. Attends devant les pics qu'on puisse se booster. On s'éteint à l'alcool et se démarre le booster. En rentrant dans la cité, tu crois s'échouffer. T'allais avec la bouc, t'allais dans le boxeur. Mais t'inquiète, on s'y fait, tu sais, l'alcool m'intensifie. Je suis dans un logement où une chaleur intensifie. Assistant, premier billet, mon pas suffit. Le téléphone sonne, le bar route, j'ai pas su faire. J'ai payé de 20 chez l'océan Pacifique. Car est délicat, mon bail, c'est dur, elle me dit pas si vite. Pratique, oui, elle me répète, aux gens, faut pas se fier. En claquant la semaine, la paye est partie vite. Oh, laissez-moi, ça devient hoche. Y'a plus grand chose à dire. On dort plus, on fait les choses. Ça devient systématique. Celle-ci sur quoi je m'avance. En relançant ma scène, perdurait dans ma tête, galérait dans ma vie. J'abonnais, j'abonnais comme des guerriers. Malika, malika, rigolique, guerriers. Si on prend les lobes et qu'on démérite. Malika, malika, rigolique, guerriers. Ça va, ça va, ça marche à peu près. Chut, t'inquiète, on garde les locaux peu pro. Les camombis répondent des fois à deux traits. Donc ça refuse l'argent qu'on peut prendre. Et t'en peux plus, mon pour quand t'es crépite. Je veux pas les pépins quand sa mère amène les pépites. Je réponds au message, elle est contente quand ça crédite. Mais elle se fatigue, c'est l'Ika qui ferme les pupilles. L'Ika mon fils, elle m'aide bien. Un peu de batterie, elle tient. Mais est-ce que l'Ika m'aime bien? Est-ce qu'elle m'alerte si la sentence elle vient? Elle repasse à l'épice, qu'on en pète une autre. Pourtant faut pas que ça prenne une heure. 20 minutes de plus pour qu'on en prenne une gaufre. L'Ika mon fils me fait manger, pourtant j'ai prévu l'air. Et puis vu l'heure, tu pouvais l'éteindre un poteau si tu voulais. Et puis voilà, les cartes manipulent mon rang, putain si tu voyais. Mais pas la quitter, parce qu'elle a de la valeur. Grâce à elle dans le téléphone et sans mon évalu. Dans cette période difficile de voir ailleurs. Si je la perds, je repasse au ciel, pas qu'à son salut. Oh laissez-moi, ça devient hoche. Y'a plus grand chose à dire. On dort plus, on fait les choses. Ça devient systématique. Celle-ci sur quoi je m'avance. En relançant ma scène, perdurait dans ma tête, galérait dans ma vie. J'abonnais, j'abonnais comme des guerriers. Malika, malika, rigolique, guerriers. Si on prend les lobes qu'on démérite. Malika, malika, rigolique, guerriers. Allo, allo, allo, allo, allo. Malika, malika, rigolique, guerriers.